s'arrêtera. Ils se moquent de nous et nous prennent pour des fous. Ils croient qu'on n'est plus rien et pourtant on revient. Les bâtons dans les roues, nous les dogues on s'en fout. Parfois le dos au mur, on prouve qu'on est des durs. Il nous reste, je crois, notre trip et notre foi. Notre Olympique, il restera. Pour l'Olympique, on se battra. Après tant de déboires, on continue d'y croire. Et de plus en plus fort, on n'est pas encore mort. Nous allons leur montrer qu'avec des oubliés, s'ils ne sont pas vedettes, on joue quand même la tête. Notre gloire passée, faut encore y penser. Revoir sur nos gradins nos supporters anciens. Car l'Olympique, il revivra. Notre Olympique ne mourra pas. On fait notre maladie, mais notre seule envie, c'est le stade plein à bloc, criant allez les dogs. Allez, allez les gars, montrez-leur qu'on est là. Comme ça il revivra, le docteur Gianola. Notre Olympique, n'y touchez pas. À notre Olympique, nous on y croit. Vive l'Olympique, tant qu'on vivra. Toujours pour toi, nous serons